Chapitre 10. Hélène Rieux à Berthe Luzon. Tu te plains, chère Berthe, que je te délaisse à Brest et que je ne t'écrive pas assez. Tu me conjures d'avoir pitié de toi, de ne pas te priver de nouvelles. Tu me soupçonnes d'oublier mes vieux amis au milieu des fêtes de l'Hercule et des splendeurs de la préfecture maritime. Que tout ici m'intéresse puissamment, j'en conviens sans difficulté, mais loin d'oublier mes chers peupliers, je n'aspire qu'à être plus vieille de quelques semaines et à m'y retrouver avec toi. Il faut avouer que si quelque chose était de nature à faire tourner les têtes légères, c'est bien le tourbillon de divertissements et de surprises que l'on invente ici pour nous faire fête. Tantalice elle-même est conquise et, dans le fond de son cœur, je la crois prête à se réconcilier avec l'ennemi. Certes, elle savait mieux que tout autre ce que valent les marins français, tandis qu'ils ne nous entendent pas, on peut bien convenir qu'ils sont assez brillamment représentés près de nous. Mais ce n'est rien de les connaître ainsi isolés. Il faut les voir en bloc, sur leurs navires, faisant assaut d'amabilité, de prévenance, d'esprit, de dévouement chevaleresque. Le commandant Haraucourt est le plus étonnant de tous. Jamais je n'ai vu tant d'entrain, de verve, de gaieté. Jamais je n'ai rencontré si bon valseur. Et on dit que c'est un brave, comme tous les autres d'ailleurs. Un jeune enseigne imberbe, Monsieur des Bruyères, m'assure que le commandant a 50 ans sonné. Il n'y a que la mer pour produire de ces miracles. À travers tout cela, ce qui nous fait le plus plaisir à ma tante et à moi, c'est d'entendre de quelle façon il parle de notre René et de sentir qu'au fond, ce vaste déchaînement de galanterie a pour but principal de nous faire comprendre l'estime qu'on fait de lui, l'admiration sincère qu'inspire son intrépidité et l'orgueil fraternel qu'on éprouve à revendiquer ce héros comme un enfant de l'Hercule. Si je te parle avec cet abandon, ma chère Berthe, c'est que nul n'apprécie mieux que toi ce que vaut notre cher marin. Que de fois, quand il fallait me contraindre, de peur de chagriner ma pauvre tante, n'ai-je pas trouvé chez toi l'écho fidèle de mes ambitions et de mes espérances au sujet de la carrière de mon frère d'adoption? Certes, la voie qu'il a choisie est difficile et dangereuse. Avec l'esprit d'aventure qui le gouverne, les obstacles, les périls se multiplient sous ses pas. Tandis qu'on danse, qu'on va de fête en fête, peut-on ne pas se rappeler qu'il est exposé au plus terrible hasard, que seul il lutte au fond des mers, que d'une minute à l'autre le monstre qu'il ose braver peut se retourner, l'engloutir, le détruire en un clin d'œil? Ces appréhensions que je combats journellement chez ma bonne tante, je n'ose m'en ouvrir qu'à toi. Je serais parfois tentée d'en parler à Étienne, mais avec la fatale manie qu'il a de vouloir me considérer comme la fiancée de René, il ne manquerait pas d'interpréter en ce sens mes alarmes. En me rappelant tes leçons, sage Minerve, tout en refusant de mendier ses bonnes grâces, je me garde de le tourmenter inutilement. Cependant, l'impatience me gagne de temps à autre. Je voudrais, je le répète, être plus âgée de quelques semaines. Quoi que j'en puisse dire à Tantalis, je commence à trouver que l'absence de René se prolonge un peu trop. Il n'avait pas, il est vrai, fixé de termes précis à son voyage, et c'est à peine s'il nous avait laissé pressentir son départ soudain. Mais voici 20 jours déjà que nous avons vu les eaux se refermer sur la Titania, et c'est le lendemain qu'il nous a quittés. Ah, c'était un beau spectacle, et comme je me sentais fière! Je n'avais ce jour-là que joie et espérance. Combien j'ai ri de bon cœur avec le lieutenant Briand, encore un aimable homme, des prétentions peu déguisées du prince de Monte-Cristo. Cette noble altesse, qui est tout empressement auprès de ton humble servante, a le faible de s'imaginer les premières expériences de René, ayant eu la Cinderella pour théâtre, que c'est lui, Monte-Cristo, qui en est l'auteur et, par extension, il se considère comme le héros des exploits de la Titania. Il s'était transporté ici avec son yacht pour le grand jour, et c'était merveille de le voir se pavaner, faire la roue, parler d'un ton protecteur du mérite de son jeune associé, donner à entendre à tout venant que le véritable explorateur des hauts fonds, c'était le prince de Monte-Cristo. Tout était gai et brillant ce jour-là. Je n'avais pas un doute. Sur le front de René, on voyait une telle ardeur de foi. Il me semblait y lire d'avance la victoire. Puissions-nous avoir bientôt des nouvelles? Chaque minute de retard devient plus longue et plus pesante. Pardonne-moi, mon ami, de t'entretenir ainsi de mes craintes, mais je suis obligée de tant me contraindre pour les dissimuler à ma tante. Si elles sont vaines, qu'elles lui soient épargnées, et si elles doivent se justifier, fasse le ciel que je trouve des ressources pour la soutenir et la consoler, mais au moins que l'heure fatale soit reculée pour elle. Hélène. Les sombres pressentiments qui peu à peu s'étaient emparés de l'âme vaillante d'Hélène et qui se faisaient jour dans cette lettre n'avaient pas jusque-là pris corps dans l'imagination de Madame Caudal. La raison en était que chez elle, les terreurs de la mère existaient à l'état permanent et que chacun, saisi d'une respectueuse pitié à la pensée des douleurs peut-être réservées à cette mère, rivalisait d'ingéniosité pour endormir ses appréhensions possibles et lui persuader de passer dans une quiétude relative des jours de suspense où, si un désastre était à redouter, on avait du moins le droit d'espérer un succès. Si bien que, tandis qu'Hélène sentait un doute, tous les jours grandissant, lui étreindre le cœur, la mère de René n'avait pas encore été mordue par le soupçon que déjà plus d'un dans son entourage cherchait à lui dissimuler. Il y avait maintenant 27 jours que René Caudal avait disparu avec son brave Kermadec, s'était volontairement enseveli sous la pesante mer, à la recherche de cet inconnu qui de tout temps a attiré les grands cœurs. À bord de l'Hercule, on se disait déjà qu'il était impossible qu'un désastre ou tout au moins un accident ne fût pas survenu. Selon tous les calculs, Caudal aurait dû 5 à 6 fois télégraphier de ses nouvelles, des ports où il touchait. Quelle raison pouvait le retenir? Peut-être avait-il épuisé ses vivres, sa provision d'air? Les forces et l'endurance humaines ont une limite. Un homme ne peut demeurer sans relâche au fond de l'eau. Et puis, il savait que des affections veillaient là-haut, anxieuses. Sûrement, si la Titania n'avait pas péri corps et bien, elle aurait donné signe de vie. Ce noir silence était de bien mauvais augure. Le commandant Haraucourt lui-même, le moins pessimiste des hommes, en convenait. Et à présent, lorsqu'il voyait Madame Caudal et sa nièce, il devait se faire une véritable violence pour dissimuler l'immense compassion qui s'emparait de lui, rester l'homme aimable et gai qu'elle connaissait, parler sans contrainte visible de l'entreprise de Caudal et affecter une confiance dont il ne lui restait plus vestige au cœur. Le docteur Patrice n'était pas le moins inquiet de tous. Proche voisin des Caudal, dont le domaine touchait leur petit bien, ses parents avaient été les intimes amis de cette famille. Son père, médecin de marine comme lui, avait assisté tout jeune les derniers moments du grand-père de René, mortellement blessé devant Bomarsund. Monsieur et Madame Patrice avaient connu et apprécié celui que Madame Caudal avait pleuré dès la première année de son mariage, et la veuve, soutenue en ces cruels moments par l'amitié fidèle de ses voisins, leur était restée attachée par les liens de la reconnaissance et du souvenir. Lorsque le père et la mère d'Étienne étaient morts, devançant tous deux grandement le terme ordinaire que la nature assigne à la vie humaine, le jeune homme avait trouvé chez Madame Caudal une seconde mère. Elle l'avait encouragé à l'étude, aidé et poussé dans sa carrière. Elle lui avait rendu un foyer. Enfin, elle lui avait procuré cet avantage inestimable que rien ne peut remplacer plus tard et dont le plus sûr mérite ne parvient jamais à compenser le défaut. L'air, les manières, le ton qu'un homme apprend et n'apprend que de bonne heure, de la fréquentation d'une femme distinguée. Aussi Étienne nourrissait-il pour elle une véritable affection filiale et, dans la pleine reconnaissance de tout ce qu'il lui devait, il n'était pas éloigné de considérer comme une sorte de trahison le penchant irrésistible qu'il avait entraîné vers Hélène presque depuis le moment où la petite orpheline était venue animer les peupliers de sa grâce et de sa gentillesse. Il s'était fait en tout cas une loi de s'effacer devant René le jour où celui-ci manifesterait la moindre intention de satisfaire un vœu de sa mère en épousant Hélène. Et si parfois il lui avait semblé, dans une vision rapide et éblouissante, que c'était lui qu'on préférait, il avait fermé les yeux résolument pour ne pas le voir. Mais on le sait, une telle délicatesse était en pure perte. Tout s'opposait d'avance à la réalisation du rêve de l'excellente dame. De nature assez impérieuse et amie du commandant, elle ne s'apercevait pas que René, à cet égard tout son portrait, ne se laisserait jamais imposer une loi en pareille matière, qu'il se réservait, non sans quelque droit, le privilège de choisir sa future compagne. Surtout, elle ne pouvait admettre que belle, accomplie et partageant tous ses goûts, il ne dût raisonnablement préférer Hélène à tout autre, ne comprenant pas que, pour une imagination aventureuse telle que celle de son fils, l'étrange, l'inconnu devait avoir un attrait mille fois plus puissant que les perfections qu'il pouvait rencontrer dans une cousine. Étienne, lui, avait senti ces choses depuis longtemps, mais il se défendait d'y croire. Lorsqu'il avait entendu la description enthousiaste que René lui faisait de son incomparable Ondine, qu'il avait pu voir à quel point elle s'était emparée de toutes ses pensées, un sentiment de satisfaction s'était glissé en lui, bientôt vivement repoussé. Que dirait Madame Caudal, bon Dieu, s'il lui fallait envisager la possibilité de voir un jour régner au peuplier une femme vêtue à la grecque, une image de Canéphore, une personne parlant une langue mystérieuse, une ondine, une sirène? Franchement, sans être taxé de rigorisme provincial, on pouvait reculer devant une pareille bru. Aux craintes que le docteur éprouvait aujourd'hui sur le sort de la Titania et de ses deux aventureux passagers se mêlaient donc d'autres appréhensions personnelles confuses, l'attente fiévreuse de quelque chose d'étrange, de quelque entreprise audacieuse, folle, ou du moins sortant par trop des sentiers battus. Ce fut dans ces dispositions que vint le trouver un message de la préfecture maritime, accompagné d'un paquet cacheté. « Monsieur le docteur Patrice, monsieur, une bouteille de fer blanc soigneusement fermée, recueillie au large d'Ouessant par une barque de pêcheurs, a été remise hier soir à la préfecture maritime. Décachetée, cette bouteille s'est trouvée contenir un tube de verre dans lequel était logée une lettre soigneusement affranchie et portant votre nom avec cette note. Prière instante de faire parvenir sans délai la présente lettre à son adresse. Profitant de votre séjour à Brest, nous nous empressons de vous faire remettre ce pli. Recevez, monsieur le docteur, etc. » Le docteur ouvrit la lettre d'une main fiévreuse. Elle était de René. « Mon cher Étienne, voici plus d'une semaine que je vous ai quitté. La Titania a supporté à souhait toutes les épreuves, agile, résistante, facile à manier, sans défaut dans sa carapace comme dans ses organes internes, elle a prouvé surabondamment ses qualités à mes yeux. Je suis maintenant en règle avec moi-même et vis-à-vis de ceux qui ont subventionné mon entreprise. Mais est-ce à dire que je vais rentrer à Brest et reprendre, sans en chercher plus long, le cours paisible et monotone de ma vie d'autrefois? Ou je me trompe fort, ou tu ne peux le croire, mon cher ami. Tu sais ce qu'il m'a été donné d'entrevoir. Après avoir mis le pied dans ce monde merveilleux, après avoir été admis à contempler des êtres quasi divins, à entendre la musique de leur langage, après avoir bu à la coupe que m'a présentée l'enchanteresse, après avoir enfin reçu d'elle un gage de souvenir, était-il possible, je te le demande, de me résigner béatement à planter des choux dans mon jardin pour le reste de mes jours, au lieu de me préoccuper de mettre une page de plus à cette histoire? Il faudrait être dénué de toute jeunesse pour le penser. Mais tu me connais mieux. Pour des raisons que j'entrevois et qui t'honorent, tu as craint d'encourager les émotions que tu devinais chez moi. Tu as fermé l'oreille à mes confidences. Rien n'y pouvait, mon pauvre ami. Aucune prudence humaine ne peut faire que ce qui est arrivé ne soit pas. Et, ayant vu ce que j'ai vu, il n'est qu'un sentiment possible, la nécessité impérieuse d'une initiation complète, la soif de savoir le mot final de ce mystère. Dussé-je y brûler mes ailes, y demeurer même en entier consumé. Dès le premier jour, dès mon réveil, attaché sur ce tonneau et ballotté par les vagues, mon projet était arrêté. Je voulais la revoir, lui parler, la comprendre, me faire comprendre d'elle. Nuit et jour, j'y ai pensé. Pensée de dément, diront certaines gens, d'homme bon à interner à Charenton. Que diraient-ils ces gens si sages, s'ils savaient que je l'ai revue? Oui, revue! Au début, les obstacles paraissaient insurmontables. L'entreprise folle, sans espoir, devant le résultat obtenu, il me semble que ce que j'ai réussi n'est qu'un jeu d'enfant. Qu'ai-je souffert après tout pour en arriver là? Bien protégé, bien calfeutré, jouissant de toutes mes aises, je suis descendu à plusieurs reprises au fond de l'océan. J'ai fait dans la mer des Açores un voyage d'exploration que m'enviraient tous les mortels épris de nouveautés. Était-ce en somme si téméraire et si fou? Il me paraît à moi que l'humanité doit être bien insouciante et bien peu curieuse pour laisser s'entasser les siècles sans chercher à pénétrer au moins le mystère de nos petites mers, de notre globe. Enfin, je te le disais, je l'ai revu. Ma divinité habite au fond des eaux un palais de cristal dont la transparence m'a permis d'admirer une seconde fois ses perfections sans égale. Je veux pénétrer dans ce palais. Comment? Par quels moyens? Je l'ignore, mais je suis prête à tout pour y arriver. Ce qui m'inquiète uniquement, c'est l'accueil que je recevrai. Le vieillard en robe blanche n'a pas souffert que mon séjour chez lui se prolongeât au-delà du strict nécessaire. Je ne saurais l'oublier. Oui, mais je me sens au moins certain que sa charmante fille plaidait pour moi, voulait me retenir auprès d'elle. Et cela, vois-tu, me donnerait la force de braver les colères bien autrement menaçantes que celles de son majestueux tuteur. Quelque chose me dit qu'elle m'attend, qu'elle me trouve bien faible et bien tardif, armé que je suis de son anneau, de n'avoir su encore me frayer un chemin jusqu'à elle. Quelle est son existence? Quelles sont ses occupations dans ce palais féerique, mais si semblable à une prison? Peut-être s'ennuie-t-elle à la mort au milieu de ses splendeurs? Quel est le mystère de cette vie? 1000 hypothèses s'élèvent et se détruisent dans ma tête pour l'expliquer. Je t'en fais grâce, me réservant d'apprendre au monde la vérité quand je l'aurai découverte. Mais quand je me rappelle ce visage, qui surpasse en beauté tout ce que j'aurais jamais imaginé, quand je me remémore ces accents enchanteurs, la légende des sirènes me semble ne plus être un mythe et a dû se baser sur une aventure incomplète et analogue à la mienne de quelques voyageurs du vieux temps. Enfin, quoi qu'il en puisse être, je le saurai bientôt, ou j'y périrai. Ne m'accuse pas de folie ou d'égoïsme, mon cher Étienne. Excuse-moi plutôt si j'échoue auprès de celle que je laisse là-haut. Je te jure que la puissance qui me guide et me fait agir est de celles auxquelles on ne résiste pas. Rester inactif, me résoudre à ne jamais percer le mystère entrevu, ce serait mentir à ma vocation, me condamner moi-même au désespoir, à la folie, à bref délai. Il faut que j'aille où je suis appelé. C'est pour que tu sois mon avocat auprès des êtres que j'aime le mieux sur terre que je t'ai adressé ces longues confidences. Toi qui es plus près que personne du cœur de ma mère et de celui d'Hélène, fais-leur comprendre que je ne pouvais pas désobéir à la loi qui m'entraîne. Et si je ne reviens pas, remplace-moi auprès d'elle. René Caudal. Post-scriptum. Il est 10h du matin. Nous sommes au-dessus du point précis où j'ai constaté la présence de la serre sous-marine. Le temps de fermer cette lettre, de cacheter la bouteille que je vais confier au Gulf Stream, et je fais le grand plongeon. Adieu à tous.